Extrait du Voyage en Orient, par Monsieur de la Royère, édition de Bécourt 1836. J.V.B. de la Royère, docteur en médecine et maire de la ville de Onschot, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Marc M. Dan, archive.org. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Chapitre 12. Sephora, Nazareth. Le 5, dès la pointe du jour, nous étions prêts à partir. C'était ce jour-là que nous devions commencer notre voyage sur le sol de la Terre Sainte. Mes désirs de voir ce pays allaient toujours croissant, et après plusieurs heures de marche silencieuse entre des montagnes, nous découvrîmes la jolie plaine de Zabulon qui, malgré la négligence de sa culture et la saison avancée, offrait encore à l'œil un aspect délicieux. Elle forme un carré long, ses quatre côtés sont bordés par des collines qui, disposées en amphithéâtre, s'élèvent doucement à mesure qu'elles s'éloignent. Des chênes verts et d'autres arbres nains les tapissent. Des bouquets d'oliviers et de figuiers ornent les diverses échappées qu'on aperçoit entre elles, et même montent dans certains endroits jusqu'à leur sommet. Nous traversâmes cette plaine dans sa plus grande longueur, dans l'espace d'une heure et demie, et gravissant ensuite une montagne, nous nous trouvâmes, après l'avoir tournée, au village de Sephora, ancienne Sephoris. Demeure de Joachim et de Sainte-Anne, nous vîmes les ruines d'une grande église et des nombreux débris qui attestent une grandeur éclipsée. Le nom de diocésaire donné par les Romains confirme en quelque sorte ces titres de noblesse. Nous descendîmes de cette montagne vers une source qui se trouve au midi et nous y dînâmes. Pendant notre repas, une troupe de jeunes filles descendit aussi de la montagne en chantant, se tenant l'une l'autre par les bras, elles s'arrêtaient parfois, formaient des rondes et exécutaient ainsi une danse dont les mouvements n'étaient pas sans grâce. Ne sachant à quel motif attribuer cette gaieté, on nous apprit qu'une noce devait avoir lieu le lendemain, qu'une députation d'entre elles était allée à Nazareth chercher les habits de la mariée, qu'elle venait au devant de la députation en chantant et en dansant, et que de cette même manière elle ferait leur entrée dans Sephora, en étalant avec pompe la corbeille de la fiancée. À la fontaine où nous étions, venaient de temps en temps des femmes portant des cruches sur leur tête pour y puiser de l'eau. Jamais dans mon voyage je n'ai vu ces fonctions remplies par des hommes. C'est encore de l'écriture vivante. C'est de Sephora que date pour moi cette série d'émotions religieuses que j'ai éprouvées en parcourant cette terre où chaque pas remue le cœur par mille souvenirs. De Sephora à Nazareth, il y a environ 3 heures de marche. Combien de fois Marie n'a-t-elle pas fait ce chemin pour visiter ses parents? À la source où nous nous reposions, s'est peut-être reposée cette mère admirable, cette femme qui est glorieuse par-dessus toutes les femmes. Pénétrée de joie, celle à qui tant de douleurs était réservée, elle venait par ce chemin se réfugier dans le sein de sa mère et lui confier ses espérances et son avenir. Absorbée en entier par ses pensées, mes yeux la voyaient, assise sur un âne, car elle était pauvre, traverser la vallée, monter et descendre les montagnes. Quelle douce joie l'accompagnait en marchant, et comme elle était heureuse d'aller raconter son bonheur à sa mère. Nous ne pûmes pas tenir longtemps en place, et à peine reposés, nous continuâmes notre route. Traversant une petite plaine, nous nous engageâmes de nouveau dans les montagnes, et au bout de 2 heures, arrivés sur le sommet, nous découvrîmes Nazareth. Nous saluâmes du plus profond de notre cœur cette terre où le Verbe s'est fait chair, où le premier mystère de notre rédemption s'est accompli, où l'ange Gabriel est venu dire à la femme du charpentier : « Je vous salue pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. La ville se trouvait à nos pieds, sur un plateau situé un peu plus bas que mi-côte. Aussitôt nos yeux l'aperçurent tout entière, en dehors et à main gauche était l'église appartenant aux Grecs schismatiques, bâtie en forme de croix, devant nous. Plus à droite et assez avant dans la ville se trouvaient l'église et le couvent romain qui s'élève derrière la mosquée. De plus nous vîmes l'église maronite et l'église grecque catholique. Après nous eûmes contemplé à notre aise cette ville si touchante pour nous, malgré son aspect pauvre, nous allâmes demander l'hospitalité chez les moines du couvent latin. Là, j'appris que la population catholique de la ville était de 1400 âmes, 800 latins, 300 maronites et 300 grecs. On ne put me donner des renseignements sur sa population entière. Le lendemain nous entendîmes la messe, et nous allâmes visiter la demeure de Marie, le lieu où l'ange vint lui annoncer qu'elle serait mère. En reculant par le souvenir à 7 ans de miracle, ce qu'on éprouve ne peut se rendre que par des larmes, tant le cœur est plein. Là, dans cette pauvre demeure de pierre presque brute du rocher, vivait en femme du peuple, celle que les siècles ont proclamée reine des anges. La travaillait et souffrait celle à qui tout demande secours et protection. Là aussi Jésus passait son enfance, et foulait ce sol que les temps n'ont pu changer. Il allait dans cette synagogue s'instruire et prier avec les autres enfants. Car rien ne devait séparer le Fils de Dieu, des fils des hommes, que plus de vertu et plus de souffrance. Ses jeunes mains jouaient avec le rabot et la scie, dans l'atelier de son père, auquel une pieuse tradition assigne un emplacement, et cette famille si simple, alors si ignorée, renfermait dans son sein celui qui devait renouveler la face de la terre. Quel lieu au monde peut offrir d'aussi touchants souvenirs? Le 7, après avoir adoré de nouveau dans le lieu de son incarnation celui dont nous recherchions les traces, nous allâmes vers le mont Tabor, distant de Nazareth de 3 heures de marche. Cette montagne ronde, élevée, se trouve presque isolée au milieu d'une grande plaine. Ses flancs sont couverts d'une riche verdure, et sur son sommet, parmi cette végétation si belle et si fraîche, sont des monceaux de ruines qui forment comme une couronne de lambeaux à cette montagne d'un aspect tout jeune. Que de couronnes, que d'institutions ne cachent pas les rudes atteintes du temps et la décrépitude, sous l'air de vigueur et de jeunesse des populations, en travail d'un avenir qu'elles n'aperçoivent pas encore. En bas et sur le penchant tout est vie, en haut on ne voit plus que quelques rameaux vigoureux au milieu d'une immensité de ruines. C'est sur cette montagne qu'on a placé la scène de la Transfiguration. Les débris d'une ancienne église, bâtie par Hélène, en mémoire de ce miracle, se distinguent au milieu de tant d'autres débris. Sous eux une petite grotte dans laquelle on descend par 8 à 10 marches, ayant à ses côtés deux grottes plus petites encore, n'offrant à l'œil que la pierre brute, sert maintenant d'oratoire aux fidèles que la dévotion ou la curiosité amène sur la montagne. Le prêtre qui veut y dire la messe, n'a pour autel que quelques grosses pierres posées les unes sur les autres, c'est tout ce qu'il y trouve, il est obligé d'apporter avec lui ce qui est nécessaire au saint sacrifice. Cette grotte, que rien ne ferme, sert successivement d'asile aux hommes qui vont prier et aux bêtes sauvages qui vont y chercher de l'ombre et du repos. C'est ainsi que je me représentais les temples et les autels des premiers chrétiens, des ruines et des déserts pour célébrer les saints mystères. On n'y trouvait ni or, ni tissu précieux, mais là était la foi qui vivifie et enfant des miracles. Un prêtre nous y dit la messe que j'aidais à servir, Le silence solennel et absolu qui nous environnait, interrompu seulement par le bourdonnement monotone du prêtre récitant les prières, exaltait mon imagination à un tel degré que si j'avais pu me convaincre que le martyr m'attendait au dehors, je me serais cru au premier siècle de l'Église. Mais les arènes ne sont plus là. Quand on se place au haut de cette montagne, et qu'on regarde autour de soi, on tressaille au souvenir que les lieux qu'on a sous les yeux vous rappellent. Au midi, étant dehors où Saul alla consulter la pythonisse, un peu plus loin et à droite, et Naïm où Jésus consola la veuve en lui ressuscitant son fils, vers l'ouest, sont les montagnes de Nazareth et Séphora, demeure de Sainte-Anne. Au nord, on voit Cana, témoin du premier miracle du Christ. Au nord-est, vous reposez avec plaisir vos regards éblouis par le soleil sur les eaux bleues de la partie du lac de Tibériette qui avoisine Capharnaüm. Quand j'examinais ainsi ces lieux, et que tant de siècles passés se déroulaient en quelque sorte sous mes yeux, que j'aurais volontiers, comme Saint Pierre, fait dresser des tentes pour y vivre d'images et de souvenirs. Je descendis à regret, j'aurais voulu rester plus longtemps pour jouir davantage de cette vue si variée et si étendue. J'aurais voulu examiner en détail ces débris que je foulais sous mes pieds, car, après les espérances de l'avenir, rien ne plaît tant au cœur de l'homme que les souvenirs du passé. Ce jour-là, nous marchâmes encore 5 heures pour nous rendre au lac de Génézareth, près de l'endroit où sort le Jourdain. Ce lac doit avoir 4 à 5 lieues de long sur 1,5 lieue de large, si j'en crois mes yeux. Mais, depuis que je parcours les montagnes, ils m'ont tant de fois trompé sur les distances, que je n'ose plus y ajouter foi. Il s'étend du nord au midi. Telle est aussi la direction du Jourdain qui le traverse. Des montagnes l'environnent presque de tous côtés. Les points par où entressort le fleuve sont les seuls endroits où l'œil découvre des plaines, et encore ces plaines ont peu d'étendue. Plusieurs villes et villages entourent le lac. Quand je le vis, ses flots argentés par la lune étaient paisibles, quelques oiseaux se reposaient çà et là sur cette plaine limpide, mais nulle barque, nul homme ne venait troubler leur repos. Ces eaux où se fit la pêche miraculeuse ne sont plus frappées par les rames, et la dernière barque de pêcheurs, qui appartenait au couvent de Nazareth, est détruite depuis quelque temps par l'abandon et la vieillesse. C'était sur cette mer de Galilée qu'étaient occupés ces hommes simples et pauvres, qui, à la suite de leur maître, pauvres comme eux, ont évangélisé le monde. Autour d'elles tous les lieux ont été illustrés par la vie et les actes du Sauveur. Génézareth, Capharnaüm, Bethsaïda. Le désert où Jésus nourrit la multitude qui le suivait, avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et la montagne où il se retira pour prier, quand le peuple, à la vue de ce miracle, voulut le faire roi, révèle son amour pour les hommes, là tout est palpitant de doux souvenirs. Le 8, vers les 6 heures du matin, nous côtoyâmes le bord occidental du lac, en allant du midi au nord. Nous vîmes les ruines d'un Emmaüs, un peu plus loin sont des sources chaudes d'eau minérale, plusieurs sont abandonnées, il n'y a que la plus abondante, sur laquelle se trouve un établissement de bain consistant dans 2 chambres contiguës. On monte du dehors dans la plus grande par un escalier de quelques marches en pierre. Celle-ci communique avec la seconde plus petite, dans laquelle un bassin carré, de 6 pieds de diamètre, sert de baignoire. Une tête en marbre y verse l'eau par la bouche. Cette eau arrive trop chaude, il faut la laisser refroidir avant de pouvoir s'y baigner. Cet établissement est isolé, sans aucune habitation dans le voisinage. Ceux qui viennent prendre les bains doivent camper sous leur tente ou habit Tibériade, qui ne s'en trouve qu'à une demi-lieue. En poursuivant notre chemin, nous aperçûmes sur notre gauche, dans les flancs de la montagne, de nombreuses grottes. Leurs entrées paraissaient d'un accès si difficile, qu'il n'était guère possible d'y arriver sans corde ou échelle. Là habitaient autrefois des solitaires chrétiens, de ces âmes de feu qui sont en quelque sorte une transition entre l'ange et l'homme. On aperçoit la ville de Tibériade d'assez loin. Elle est bâtie au bord du lac sur un plan incliné, et présente, par où nous arrivions, la forme d'un triangle allongé, dont l'angle aigu serait tronqué. Ce triangle est formé d'une muraille en bon état, coupée à des intervalles assez rapprochés par des tours rondes à créneaux. Dans l'angle aigu, qui est la partie la plus élevée, est le château fort un peu séparé de la ville. Ces constructions datent du temps des croisades, de ces temps où il y avait des comtes de Tibériade. Dans cette enceinte se trouve, sans la remplir, une ville misérable, bâtie de quelques pierres et de boue séchées au soleil, habitée par des Turcs, quelques chrétiens grecs catholiques, et beaucoup de juifs, qui, de différentes parties de l'Europe, viennent dans un âge avancé s'y reposer et mourir, afin d'être enterrés en Judée, qui est aussi pour eux une terre sainte. Jérusalem renferme une quantité plus considérable encore de ces juifs qui viennent y terminer leur vie. Un d'eux, venu du fond de l'Allemagne, m'accosta près de la ville, et paraissait tout joyeux de pouvoir y échanger quelques mots d'une langue des pays lointains, avec un étranger parcourant sa patrie désolée, qui n'offre plus à ses anciens possesseurs qu'un repos souvent troublé et des modestes tombeaux. C'est dans cette ville de Tibériade que Jésus-Christ appela Matthieu, du comptoir public, pour en faire un apôtre. Là, au bord du lac, à l'endroit où Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et bâtis un temple catholique du rite grec. Il n'a qu'une seule nef assez élevée et assez grande, et il est nu et sans ornement. Le jour, il sert aux saints offices, et, la nuit, les pèlerins qui viennent visiter Tibériade s'y reposent. C'est la seule retraite ouverte aux chrétiens dans cette ville, le berceau de l'Église. Un père de la terre sainte officia dans notre présence, j'assistai ainsi aux cérémonies de cette église, à l'endroit même où 18 siècles auparavant elle avait été fondée. Elle était alors bornée en quelque sorte dans ce point, et renfermée entre le Christ et 12 hommes, tandis que maintenant je venais de 1200 lieues de loin me prosterner sur cette place, et partout où j'avais passé, l'église du Christ était connue. Nous sortîmes de la ville et suivîmes un chemin qui nous conduisit sur les montagnes. Jetant un dernier regard sur le lac, nous aperçûmes sur ses bords, à l'extrémité nord du côté du couchant, l'emplacement d'une autre Bethsaïda, patrie des apôtres Saint-Pierre et Saint-André. À cette même extrémité nord, mais du côté du levant, était l'entrée du Jourdain, près de laquelle Capharnaüm avait existé. Non loin de là, Jésus apparut quelques jours après sa résurrection à Pierre et à d'autres disciples, qui, ayant pêché en vain pendant toute la nuit, jetèrent le filet sur sa recommandation, et le retirèrent rempli de gros poissons sans qu'il se déchirât. Pierre se jeta à la mer, vint à Jésus, qui mangea avec ses disciples, et où il dit par trois fois au prince des apôtres de paître ses brebis et ses agneaux, lui prédit le martyre, et les laissa tous, incertains sur le sort de Jean, le disciple bien-aimé. Nous finîmes à peine de monter, que nous laissâmes à notre droite le mont des béatitudes, Un peu plus loin, nous traversâmes une plaine où la multiplication des pains a eu lieu une seconde fois, et après 4 heures par un chemin pierreux et inégal, nous arrivâmes à Cana en Galilée, patrie de Simon Van l'apôtre et du juif Nathanaël. Ce village, situé sur le revers de la montagne, opposé au chemin de Tibériade, ne se découvre qu'à l'instant où on est près d'y entrer. Les habitations offrent un aspect misérable, comme celui de tous les villages de la Palestine. Nous y remarquâmes les ruines d'une église construite en mémoire du miracle du changement de l'eau en vin. 5 jarres, enterrées dans le sol jusqu'à leur bord, représentent celles dans lesquelles ce miracle se fit, et le prêtre qui nous accompagnait se mit sur ces ruines à réciter l'évangile où il est mentionné. Le territoire de Cana finit du côté de Nazareth par un vallon très agréable et très fertile. Nous arrivâmes, 2 heures après l'avoir quitté, sous le toit hospitalier des moines de Nazareth. Ainsi, dans ce court espace de temps, dans 2 jours, nous avons parcouru une étendue de pays, où chaque pas a été marqué par quelque acte de la vie du Christ. Interroger les montagnes et les plaines, les eaux et les pierres, parler aux villes et aux hameaux, tous témoigneront de sa douceur ou de sa sagesse, de sa bonté ou de sa gloire. Quel est l'homme pour qui cette terre, témoin de tant de merveilles, ne sera pas une terre de piété et de respect religieux? Où est la terre au monde qui peut offrir des souvenirs de faits qui aient amené une plus grande masse de bonheur aux hommes? L'impression que j'ai reçue en la visitant ne s'effacera de ma vie. Pourquoi l'exaltation qu'une impression fait naître ne peut-elle toujours durer? Pourquoi faut-il retomber si vite sous l'influence de la chair, de ses désirs et de ses besoins? Pourquoi notre faiblesse nous étreint-elle comme le lierre étreint l'arbre? Que l'homme serait heureux, que sa vie serait belle, s'il pouvait vivre à la hauteur où son âme le place quelquefois.